franceinter.com. Ce fut l'un des premiers scandales de la Ve République et aussi le début d'une série d'affaires immobilières qui ont révélé des liens troubles entre certains notables du gaullisme et quelques promoteurs véreux. Mais si celui-là a tellement marqué les esprits, c'est qu'il y avait au centre un personnage flamboyant, l'un des plus grands architectes français, Fernand Pouillon. Ajoutez quelques épisodes rocambolesques et vous avez tous les ingrédients d'un feuilleton à sensation. Et ça commence par une image, la première photographie de Pouillon publiée dans la grande presse. Écoutez par exemple ces quelques lignes écrites par le grand reporter de l'Express, Jacques de Rogy. La photographie ne faisait qu'accuser des traits de caricature, crocs d'escroc, profil de prédateur, sourire carnassier sous un double sillon de rides, long nez aquilin de rapace jouisseur, mâchoire et crinière chevaline. Un cheval de retour dont la tête émergeait d'un accoutrement de fêtard, smoking de satin blanc et jabot à manches de dentelle, habillant sa silhouette osseuse de grand échalas dégingandé aux allures d'échassier. Tourmenté comme un Giacometti, cette image de l'architecte Fernand Pouillon allait devenir légendaire. Intéressante, cette photo, surtout quand on sait qu'elle a été prise 5 ans plus tôt, lors de l'anniversaire de la fille de l'architecte et qu'elle a été transmise aux journalistes par le ministère de l'Information. Et c'est la preuve, très troublante, que l'affaire du point du jour, comme on va l'appeler, dissimulait aussi d'obscures manœuvres politiques. De là à penser que Pouillon n'a été qu'un bouc émissaire, il n'y a qu'un pas, c'est en tout cas l'avis de M. X. M'ont tous connu, connu avant, se le rappelle. Autant de l'eau et du pain noir sans m'y rappelle. Ils ont tous partagé leurs tartines beurrées et couché dans leur lit mes longues insomnies. Et moi j'ai beau chercher, en vain j'appelle mes souvenirs du temps passé, mes infidèles. Je n'ai pas souvenir, du moindre souvenir, du paysage, de leur visage. Ils étaient beaucoup moins nombreux, je me rappelle, autant de l'eau et du pain noir sans m'y rappelle. Ils ne me devaient rien, qu'ils ne regrettent rien, mais qu'ils ne viennent pas raconter qu'autrefois ils m'ont, souvenez-vous, bercé sur leurs genoux. Les rapaces, les rapaces. Fernand Pouillon n'était pas un personnage ordinaire, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je crois que vous l'avez rencontré. Oui, je crois que c'est exact. Et effectivement, c'était un homme qui, en tout cas, qui ne pouvait pas passer inaperçu. Hein. Et d'abord, à cause de sa taille, c'était un échalas si maigre qu'on pouvait craindre qu'il se casse à chaque pas. Puis il y avait ce visage de condottière. Et à son propos, on a aussi évoqué un prince de la Renaissance italienne. Il en avait l'élégance et l'esprit. Et surtout une immense culture. Conjugué à une ambition exacerbée. Alors autant dire que cet homme hors du commun pouvait susciter l'admiration, mais aussi la jalousie, sinon la haine. Et ça explique beaucoup de choses. Ouais, mais n'allons pas trop vite, n'est-ce pas? Alors quelques éléments biographiques d'abord. Fernand Pouillon est né en 1912 dans le Midi de la France. Et c'est à Marseille qu'il passe une grande partie de son enfance et de son adolescence. Et Marseille qui lui devra une de ses plus belles réalisations. Hein. La reconstruction du Vieux-Port, oui. J'y viens dans un instant. Auparavant, ce jeune homme de bonne famille, plutôt indocile, quitte assez rapidement le lycée et s'inscrit à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Puis il monte à Paris, comme on disait autrefois. Mais ce nouveau Rubempré végète jusqu'à la guerre. Il est déjà architecte, hein ? Officiellement, il devient architecte en 1942. C'est aussi l'année où il s'inscrit au Parti communiste. Dans la clandestinité, donc. Oui, et il restera au parti jusqu'en 1946. De toute évidence, la discipline était étrangère à cet esprit indépendant, mais enfin passons. Après la guerre, il reçoit ses premières commandes, la construction de camps de prisonniers et de cités d'urgence. C'est pas très exaltant, ça. Certes, mais enfin, ça lui permet de faire vivre l'agence qu'il a créée. Dès cette époque, Pouillon se révèle un exceptionnel meneur d'hommes. Il aime travailler en équipe, dans la fièvre et l'enthousiasme, sans se soucier des horaires et malgré une santé qui est déjà fragile. Un boulimique de travail ? Ah oui, incontestablement. Et quand viendra l'heure de la prospérité et même de la fortune, on le verra sauter d'avion en avion, de Téhéran à Alger, de Marseille à Paris. Des voyages de nuit, car Pouillon veut être au travail dans ses agences à la première heure. On est loin là de l'image de l'architecte mondain, du jet-setter, comme on dirait aujourd'hui. En effet, Pouillon est d'abord un monstre de travail. Alors, Marseille. Le vieux port, vous le savez, a été dynamité par les nazis. Il est urgent de le reconstruire, d'autant que des milliers de Marseillais continuent à vivre de façon précaire. Ouais. Et Pouillon guigne ce grand chantier. Et il entend, à l'occasion, mettre en œuvre quelques idées novatrices. Par exemple ? À côté de l'aspect purement esthétique, et dans ce domaine, Pouillon signera de grandes réussites, l'architecte veut construire vite et à moindre coût. Faut pas oublier que dans ces années d'après-guerre, la France souffre d'une grave crise du logement. Par conséquent, il faut construire toujours plus. Mais attendez, comment envisage-t-il de réduire les coûts ? Il a mis au point des méthodes de construction plus rationnelles et donc moins coûteuses. Et il en fera la démonstration à de nombreuses reprises. Mais ce faisant, Pouillon ne se revendique pas seulement comme un architecte, mais aussi comme un entrepreneur et même un financier. Ce qu'interdit l'ordre des architectes. Un ordre qui, parenthèse, a été créé par le régime de Pétain en 1940. Ouais, autant dire qu'il ne brille pas par son progressisme. C'est ce que je voulais dire. Bon, enfin, revenons à Marseille. Le maire de la ville a choisi un architecte de renom, un notable de la profession. Pouillon, qui veut absolument arracher ce marché prometteur, en appelle au ministre de la Reconstruction, Claudius Petit. Ouais, et il gagne. Oui, le ministre est séduit par ses idées et l'aspect novateur de son projet. Pouillon va donc reconstruire le vieux port. Une formidable vitrine pour ce jeune architecte. Mais du même coup, il s'est fait de solides ennemis, à commencer par les pontes de l'ordre des architectes qui ne lui pardonneront jamais et seront leur venus se venger. En tout cas, cet épisode montre que Pouillon avait un certain talent pour l'intrigue politique. Incontestablement, même s'il n'a pas toujours fait preuve de flair en la matière. Je veux dire, dans le choix de ses amis ou soutien politique, mais nous en parlons. Les années qui suivent sont alors les plus fructueuses de la vie de Pouillon. Les commandes pleuvent, d'autant qu'il hérite de l'agence de son vieux maître, Auguste Perret. C'est l'architecte qui a reconstruit le Havre. L'un des hommes les plus reconnus dans sa profession, même si lui aussi s'est affranchi des règles strictes définies par l'ordre. Pouillon a donc installé une partie de ses équipes rue Raynouard à Paris. Mais il a toujours son agence à Marseille. Et il a aussi des bureaux à Téhéran, où le chat s'est entiché de son travail et lui passe de nombreuses commandes. D'ailleurs, entre l'Iran et Pouillon, c'est une vraie histoire d'amour, au sens propre comme au sens figuré, puisque l'architecte sera à deux doigts d'épouser la fille de son principal associé, une cousine du chat d'Iran. Mais n'avait-il pas déjà une famille en France ? Eh oui, mais même une famille nombreuse, puisque sa première épouse lui a donné 4 enfants. Cependant, vous le savez sans doute, la vie privée de Pouillon a été assez tumultueuse. La vie d'un séducteur. Et ça faisait forcément partie du personnage. Mais enfin, laissons là cet aspect de côté. Je vous ai parlé de Paris, Marseille, Téhéran. Il y a aussi Alger. Alger qui va jouer un si grand rôle dans sa vie. Expliquez. Pouillon a sympathisé avec un homme politique très charismatique, Jacques Chevalier. C'est le maire d'Alger. Oui, un libéral qui se définit comme français et algérien et prône l'autonomie de l'Algérie. Et qui déchaînera contre lui la haine de tous les ultras de l'Algérie française. Mais quand Pouillon rencontre Chevalier, on n'en est pas encore là. La guerre n'a pas commencé, et ce qui préoccupe surtout le maire, c'est la modernisation de sa ville et la nécessité d'élaborer un vaste programme de logements sociaux. Et Pouillon est l'homme de la situation. Oui, et comme à Marseille, il va s'imposer. Et Vincent, du même coup, les architectes locaux qui avaient déjà été pressentis. Et s'ajouteront à ces nouvelles jalousies les sympathies de Pouillon pour les libéraux et même les indépendantistes algériens. Rendez-vous avec X. Si, comme le dit Monsieur X, l'Algérie a joué un grand rôle dans la vie de Pouillon, c'est que l'architecte a été immédiatement fasciné. Extrait du livre de Daniel Voldemann, Fernand Pouillon, architecte. Tout le séduisit dans cette contrée nouvelle pour lui. Les paysages, l'architecture, les habitants, les modes de vie, la culture, la pensée et la religion. Son installation à la Villa des Arcades sur les hauteurs d'Alger, face à l'un de ses grands chantiers, fut aussi importante pour son activité professionnelle que pour sa vie personnelle. Là, non seulement il devint, aux côtés d'autres architectes célèbres, l'un des grands bâtisseurs de la dernière période de l'Algérie française, mais il se sentit en accord avec ceux qui œuvraient pour son indépendance. Vous avez parlé de sympathie pour les indépendantistes algériens, là, et ça allait plus loin. Vraisemblablement, mais je n'en ai pas la preuve. Il est très possible que Pouillon, qui s'était installé dans une splendide villa aménagée à grands frais, ait pu abriter des militants recherchés par la police ou les parachutistes de Massu. Et d'ailleurs curieux de noter que cette maison, les Arcades, était située à proximité d'une autre habitation, la Villa Cesini, où l'on pratiquait systématiquement la torture. Alors Pouillon aurait pu recueillir des hommes qui auraient fui cette villa ? Oui, pourquoi pas. On a aussi prétendu que les Arcades auraient abrité une rencontre secrète entre un diplomate américain et des dirigeants du FLN. Quoi qu'il en soit, il est certain que Pouillon devient l'une des bêtes noires des partisans de l'Algérie française. Et on ne tarde pas à lui faire savoir qu'il a intérêt à dégarpir. En 1957, on lui accorde tout juste 24 heures pour rejoindre la métropole. Il faut aussi souligner un autre motif de haine. Ses deux gendres, les fils du peintre maçon, font partie du fameux réseau Janson. Ah, et porteurs de valises. C'est-à-dire ces militants qui ont choisi d'aider matériellement le FLN. Et on verra que plus tard, lorsque Pouillon sera lui-même devenu un proscrit, il bénéficiera de l'aide du réseau Janson. Il reste toutefois que l'architecte a été l'un des grands bâtisseurs de l'Algérie de ces années et qu'il laissera une empreinte durable à Alger. Mmh. Et après l'indépendance, je crois que les dirigeants algériens sauront s'en souvenir. Hein. Ah, c'est exact. Autre notion importante. Pouillon, et ça lui sera souvent reproché par ses détracteurs, a choisi de construire en respectant l'architecture locale, préférant par exemple la pierre au béton. Mmh. Il revient donc définitivement en métropole en 57, c'est ça ? Et il va y retrouver Chevalier qui, lui non plus, n'est plus en odeur de sainteté en Algérie et a perdu son mandat de maire. Lancé dans l'immobilier, l'ancien maire d'Alger va superviser pour Pouillon l'édification d'un vaste ensemble d'habitations à Meudon-la-Forêt, dans la région parisienne. L'architecte est alors au sommet de sa carrière. Et il est apprécié par un homme influent, le ministre de la Reconstruction, Pierre Sudreau. Ministre du général de Gaulle, hein, car celui-ci, entre-temps, est revenu au pouvoir. Et Sudreau a fort à faire, car la pénurie de logements, particulièrement à Paris et dans la banlieue, est toujours criante. Il faut donc construire toujours plus, faire en sorte de déménager les usines de la capitale ou des communes voisines pour y édifier des immeubles d'habitation. En même temps, une nouvelle catégorie d'hommes d'affaires fait florès, les promoteurs immobiliers. Acteurs essentiels de cette politique de construction, ils sont choyés par le pouvoir. Et ça a commencé sous la 4e République déjà. C'est hein, exact. On leur consent donc de nombreux avantages financiers. Et Pouillon, dont l'agence d'architectes est devenue la plus importante de France, se lance lui aussi dans l'aventure de la promotion immobilière. La promotion, alors qu'en principe son statut d'architecte le lui interdit. Oui, mais il y a des méthodes permettant de franchir cet obstacle. Pouillon crée toute une pyramide de SCI, des sociétés civiles immobilières, où il n'apparaît pas en nom propre. Et ses agences croulent sous les commandes. On est là à la limite de la malhonnêteté. Hein. Mais Pouillon n'en a cure. Et d'abord parce qu'il n'a que mépris pour les directives de l'ordre des architectes. Ensuite, et c'est une conviction profonde chez lui, il veut venir en aide aux mal logés. N'oubliez pas que le fameux appel de l'abbé Pierre a été lancé quelques années plus tôt, en 1954. Oui, mais la promotion immobilière, c'est aussi l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Et l'argent, Fernand Pouillon adore le dépenser. Il achète un château, aménage un luxueux hôtel particulier dans l'île de la Cité, rassemble une collection d'œuvres d'art et de livres rares. Et puis, il y a tous ses amis qu'il traite avec magnificence. Ouais, il jette l'argent par les fenêtres. Certes, mais il travaille, il n'arrête pas de travailler. Et fidèle à ses débuts, il construit moins cher que les autres, sans pour autant construire moins bien. à Meudon-la-Forêt, je l'ai dit, mais aussi à Pantin, à Montrouge, et bientôt à Boulogne-Billancourt. Ah oui, ce sera le trop célèbre point du jour. Et pour édifier un vaste ensemble sur l'ancien site des usines Samson, Pouillon va créer le CNL, le Comptoir National du Logement, une société dont il confie la présidence à un homme au-dessus de tout soupçon, Paul Hag. Oui, un ancien préfet, si je me souviens bien. Et un résistant. Quand Pouillon fait appel à lui, Hag vient tout juste de prendre sa retraite. Et détail important, le ministre Sudreau a travaillé sous ses ordres lorsque Hag était préfet de la Seine. Ouais, bah c'est un choix judicieux, donc. On peut le penser, en tout cas. Par contre, on peut s'interroger sur la personnalité des autres associés qui vont représenter Pouillon au conseil d'administration du CNL. Oui, mais oui, qui les a choisis? En principe, Pouillon. Pouillon qui a tendance à faire confiance. Trop, certainement. C'est ainsi qu'il recrute de vieilles connaissances d'Alger. Des hommes d'affaires qui, à leur tour, lui présentent d'autres personnages qui vont occuper les premières places. On trouve par exemple un certain Roland Duché, qui est administrateur de biens. Duché amenant avec lui un ex-fonctionnaire des impôts, devenu conseiller fiscal, Jean Larue. Un homme sur lequel Pouillon va bientôt se reposer pour régler toutes les questions administratives. Et elles seront nombreuses, car il n'y aura pas moins de 24 SCI regroupés autour du CNL. Ça veut dire que Pouillon délègue, hein. Ah, mais il y est presque obligé, car il travaille beaucoup et continue à se rendre régulièrement en Iran. En outre, il doit être difficile de s'y retrouver au milieu de cet entrelac de société. Il pêche donc aussi par négligence. Ou imprudence, car la complexité du système permet aux associés de s'en mettre plein les poches, si vous me permettez cette expression. Pourtant, au départ, l'opération du CNL a reçu toutes les bénédictions possibles. Le maire de Boulogne, le ministre Sudreau, tout le monde s'est félicité du lancement de cette opération immobilière qui allait aboutir à la construction de plus de 2000 logements confortables dans un environnement agréable et arboré. Alors, fondamentalement, que s'est-il passé? Bon, écoutez, je ne vais pas entrer dans les détails d'un mécanisme financier un peu compliqué. Compliqué, mais très fragile. Le CNL, qui n'a pas de capitaux propres, construit les logements déjà vendus avec l'argent des souscripteurs. Et les futurs propriétaires, ben ça ressemble un peu à de la cavalerie, non? Peut-être, mais tant qu'il y a des acheteurs qui se manifestent, le système ne court aucun risque. Et fin 1958, les premiers propriétaires prennent possession de leur logement. Ça marche même si bien que la municipalité élargit le périmètre dévolu à la construction de l'ensemble du point du jour. Cependant, au cours de l'été 59, les ventes piétinent. Il n'y a que 500 souscripteurs pour le millier de logements qui est en construction. Et première difficulté, hein. Et premières inquiétudes. Pouillon lui-même essaie de redresser la situation en engageant de nouveaux courtiers. Et pour stimuler les ventes. Et déjà, à mon avis, il perçoit que la gestion qu'il a confiée à ses associés est pour le moins laxiste. Mais est-ce qu'il découvre aussi les malversations? C'est possible. À mon avis, il ne doit pas ignorer que certains des actionnaires ont puisé dans la caisse et commis ce qu'on appelle aujourd'hui des abus de biens sociaux. Ainsi, l'enquête démontrera que le CNL a servi à financer des aménagements immobiliers dans les propriétés des actionnaires. L'un d'eux, Larue, s'est offert un chalet en Savoie avec l'argent du CNL. Mais sur ce point, Pouillon lui-même n'est pas très à l'aise, car lui aussi a profité des largesses du système pour rénover, par exemple, son hôtel particulier. Une nouvelle imprudence grave. En tout cas, la situation se dégrade très vite. Les entrepreneurs ne sont plus payés et Pouillon réclame en vain de recevoir ses honoraires d'architecte. Et c'est le prétexte que vont saisir les principaux actionnaires pour abandonner la partie. Les rats quittent le navire. Oui, non, sans s'être engraissés auparavant, car avant de partir, ils vont obtenir de Pouillon la signature d'un protocole comprenant d'importantes, extravagantes concessions financières. Et malheureusement, l'architecte qui veut absolument sauver son œuvre cède. Il ne pourra pas s'en relever. Et autour de lui, tout va s'écrouler. Le ministre Sudreau prend ses distances. Hag démissionne et bientôt le désastre va devenir public. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Dans un excellent petit livre, Bernard Marais décortique l'affaire du point du jour sous le titre « Fernand Pouillon, l'homme à abattre ». Extrait, la Lali est à leur proche. En septembre, les résultats de l'expertise montrèrent que les estimations qui avaient servi de base au protocole étaient fausses. que les mois suivants seraient difficiles au moins jusqu'en mars 1961. Il fallait donc trouver 6 à 800 millions dans l'immédiat. Pouillon convoqua début octobre une assemblée des principales entreprises créancières et offrit tous ses biens, ce qui était généreux, mais ce qui suscita l'inquiétude, sinon la peur. Le bruit se répandit, les concurrents s'agitèrent, et de son côté, le ministère des Finances, sans doute à l'invitation de Sudreau, envoya ses contrôleurs des impôts. La suite, eh bien, c'est le récit d'un naufrage annoncé. Pouillon a beau avoir sacrifié tous ses biens, il lui est impossible de s'en sortir. D'autant que certains ont très envie de lui enfoncer la tête sous l'eau. Et qui ? Bon, encore un peu de patience. Ah bon, bon, d'accord. C'est le Figaro qui attaque le premier en janvier 61. Il annonce l'interruption des travaux sur le chantier, la faillite prochaine du CNL. Puis les autres journaux suivent. Et c'est bien sûr Pouillon qui est accablé. Pouillon, l'homme au smoking blanc, aux manches en dentelle. Pouillon qui, pour recevoir fastueusement ses invités, aurait installé chez lui une fontaine d'où couleraient des flots de whisky. Vrai ? Non, ce sont les fariboles. Mais les mensonges ont la vie dure. J'ai encore lu, dans un livre récent, cette sottise à propos de la fontaine à whisky. Enfin, passons, tout va très vite. L'ordre des architectes convoque Pouillon et le sermonne. Puis la justice est saisie. Inculpé en mars d'infraction sur le droit des sociétés, Pouillon et ses associés sont incarcérés. Mais à l'exception de la rue, ceux-ci sont tous remis en liberté provisoire. Et Pouillon, lui, reste en prison. Mais son état de santé s'aggravant, il est bientôt conduit en clinique carcérale. Mais est-ce qu'il est réellement malade ? Incontestablement. Il est alors d'une maigreur effrayante. Et de quel mal souffre-t-il ? On le croit tuberculeux, mais en fait, on s'en apercevra plus tard, c'est une amibiase contractée en Iran qui est la cause de son mal. Quoi qu'il en soit, pendant son incarcération, l'enquête progresse et l'on découvre un certain nombre de faits ahurissants. Par exemple, les actionnaires n'ont jamais respecté les responsabilités qui leur incombaient. Bien au contraire, ils n'avaient rien de plus pressé que de se servir au fur et à mesure des ventes des appartements. Et Pouillon aussi ? Non, la part qui lui revenait était uniquement ses honoraires d'architecte. Mais on va découvrir plus grave, un détournement de fonds lié au financement occulte d'un parti politique. L'UNR, en l'occurrence. Le parti gaulliste, c'est d'actualité en ce moment. Oui, ça, on peut le dire. Et ça passait par l'achat de fausses publicités dans un petit journal électoral. Petit journal, mais grosse contribution. Il n'avait pour plus de 30 millions distribués à des amis politiques. Mais sur ce point particulier, la vérité n'a vraiment jamais été établie. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la justice ne s'est montrée pas trop curieuse. Mmh. Est-ce que Pouillon, lui, savait ? Non. Mais pour les magistrats, pour l'opinion publique aussi, il est l'homme lige du CNL. Oui, le responsable. Bien évidemment. C'est donc lui qui va payer le plus lourdement. Alors que l'ordre des architectes s'acharne et que sa santé ne cesse de se dégrader. Toutefois, coup de théâtre. Après une année et demie d'incarcération, Fernand Pouillon s'évade en septembre 1962. Et une évasion assez rocambolesque, hein, si je me souviens bien. Tout à fait. Il a confectionné une corde avec ses draps pour s'échapper de la chambre de la clinique où il était reclus. Ensuite, il bénéficie de la complicité des membres de la filière du réseau Janson pour fuir en Suisse puis en Italie. Mais en même temps, cette évasion, c'est un aveu de culpabilité. Et Pouillon ne le supporte pas. C'est pourquoi, alors que commence le procès du CNL en mai 1963, l'architecte se rend de façon spectaculaire à la justice. Et il va comparaître devant ses juges sur une civière. Et malgré son état de santé déplorable, sans renier ses responsabilités, il va se défendre bec et ongle devant ses juges. Ce qui ne l'empêchera pas d'être condamné. Hein. Forcément. D'abord à 4 ans de prison, puis en appel en février 64 à 3 ans. Et ici, il faut observer que les autres actionnaires bénéficient du sursis. Seule Larue, l'une des têtes pensantes de l'escroquerie, passera 4 petites semaines en prison. De poids, de mesure. Ça y ressemble. Finalement, Pouillon est élargi pour raison de santé en février 64. Mais la justice n'en a pas fini avec lui. Cette même année, l'architecte publie un très beau roman écrit en prison, « Les pierres sauvages », qui lui vaut un prix littéraire. Mais il est interdit de télévision alors que son interview a déjà été enregistrée dans la célèbre émission « Lecture pour tous ». Puis un magistrat, estimant qu'un homme qui donne des interviews et même des conférences est en bonne santé, revient sur sa mesure de liberté provisoire. Alors, nouvelle incarcération. Et nouvelle épreuve pour un homme qui, en dépit de ses malheurs, reçoit des soutiens de plus en plus nombreux. Et ce n'est pas étonnant. Ses victimes, les souscripteurs des immeubles du Point du Jour, n'ont guère été lésés. Et les plus malchanceux n'ont payé qu'un supplément de 10% pour entrer chez eux. Et leurs appartements ne cessent de prendre de la valeur. À tel point qu'un grand géographe pourra écrire au début des années 70 que l'ensemble du Point du Jour est un exemple d'aménagement du territoire réussi. Oui, aujourd'hui, ces immeubles ont toujours fière allure. Ah ben ça, je vous l'accorde bien volontiers. La suite, vous la connaissez. Pouillon, interdit d'exercer son métier en France, au moins jusque dans les années 70, s'exile en Algérie, où on lui confie de nombreux chantiers. Et puis c'est une reconnaissance de ses actions passées. Sans nul doute. Mais Pouillon n'aura de cesse de vouloir être réhabilité. En 1971, le président Pompidou l'amnistie. Mais c'est François Mitterrand qui lui rendra définitivement hommage en le faisant officier de la Légion d'honneur. Puis il prendra une éclatante revanche sur ses confrères de l'ordre en obtenant en 1986, peu avant sa mort, que la liste de jeunes architectes qu'il présente remporte les élections professionnelles. Oui, et puis on sait quand même aujourd'hui que Pouillon a été l'un des architectes français les plus talentueux et les plus inventifs. Alors, vous laissiez entendre que dans cette affaire du CNL, il avait été une sorte de bouc émissaire. Certainement. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne lui a jamais pardonné d'avoir été proche des indépendantistes algériens. Donc il a été victime des partisans de l'Algérie française ? Je le pense. Et n'oubliez pas que l'un des plus éminents d'entre eux, même s'il a dû en rabattre ensuite, occupait l'hôtel Matignon. Ouais, Michel Debré. Oui. Or, on sait que plusieurs initiatives visant à accabler Pouillon avaient été orchestrées par le pouvoir. Les fuites dans la presse, par exemple, ou encore cette photo prétendument scandaleuse où Pouillon est allé sans luxe. Et les poursuites ont été ouvertes par le parquet sur ordre du pouvoir. Donc, c'est clair, on voulait abattre Pouillon. Et à travers lui, tous ces libéraux qui avaient fait un autre choix que celui de l'Algérie française. Une citation pour terminer. J'ai trouvé ces quelques lignes dans un ouvrage de Jacques de Rogy, Investigation Passion. Pouillon se confie au grand reporter de l'Express et déclare: l'Élysée a vu en moi le type de promoteur escroc à mettre en vedette pour masquer la carence du nouveau régime en matière sociale. Pour l'opposition de gauche, j'étais le Stavisky de la Cinquième. Celle de droite croyait trouver dans ce scandale de quoi discréditer les libéraux d'Alger, sans compter les vieilles haines personnelles, les jalousies professionnelles, la coalition des promoteurs dont je cassais les marchés. Ficelé comme Gulliver par les nains du merdier parisien, j'ai été victime d'une cabale destinée à occulter les vraies magouilles. Sur franceinter.fr, vous pourrez nous retrouver et nous écrire. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a, comme d'habitude, préparé cette émission réalisée par Michel Billoux et quelques notes de musique ont été ajoutées par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, CO2 Mon Amour de Denis Chessou.